côtés qui cachaient. Civilisation pas manier, c'est où celle qui mène. La peau n'a pas qu'à trouver, loin de nous qui goûter. Tant qu'ils j'en la mettre si secret. Oula, oula, oula, oula. Là où va nous qui arriver, si la nuit mettait qu'à créer. Nous qui comprenons la parole. Pour moi, je peux faire découvrir en qui j'en la vie fait si creuse.